الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ قال الله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ وقال تعالى وربك على كل شيء حفيظ وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال تعالى وكنا لهم حافظين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ وهذا الوصف يتناول أمرين. Ici, l'auteur nous mentionne deux autres noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz et Al-Hafiz. Et il y a deux notions ici qu'on va étudier inshallahu ta'ala. On pourrait traduire par le protecteur et celui qui enregistre tout. Le protecteur et celui qui enregistre tout. Dans Surat Hud, Surat Saba, Surat Ashura, Yusuf, l'Anbiya, l'Hijr et d'autres endroits du Coran, il y a la mention de ses attributs et de ses noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Certes, mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Allah azza wa jal garde toute chose, tout est enregistré auprès d'Allah azza wa jal, rien ne se perd et Allah n'oublie rien. Dans Surat Saba wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Et ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toute chose. Assure la sauvegarde de toute chose. Dans Shura, et ils t'ont traité de mensonge, ou plutôt, et ils ont traité de mensonge, il leur viendra bientôt des nouvelles, ou plutôt, walladina takhadu min duni awliya, Allahu hafizun alayhi. Ceux qui ont pris en dehors de lui des protecteurs ou bien des alliés, Allah enregistre parfaitement ce qu'ils font. Dans Surat Yusuf, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. Et Allah est le meilleur gardien et le plus miséricordieux des miséricordieux. Dans l'Anbiya, et nous les surveillons nous-mêmes. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Dans le Hijr, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ces deux noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala nous indiquent l'attribut de Al-Hifz, l'attribut de Al-Hifz. Et cet attribut-là, il comprend deux sens. Il comprend deux sens. Le premier, Al-Hifz bi'ilmihi jami'a al-ma'lumat. Celui qui préserve de par sa science. C'est-à-dire tout est consigné, enregistré, rien n'est perdu ni oublié. Donc le premier sens, c'est celui-ci. Celui qui préserve de par sa science l'ensemble des choses. L'ensemble des informations, l'ensemble des connaissances. Et rien ne lui est caché. Et rien ne se perd et rien ne peut être oublié. Et Allah Azza wa Jal nous a montré qu'il était pur de tout oubli, exempt de tout oubli, de par la perfection de sa science et de son hifz, de la préservation de toute chose, de toute connaissance, de toute information qu'il a. dans Sourate Maryam, ton Seigneur n'oublie rien. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dans Sourate Taha, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur. Dans un livre, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Et dans Sourate Al-Mujadila, Allah a dénombré et ils l'auront oublié. Donc tous ces textes nous montrent quoi ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par la perfection de sa science et de son hifz, rien ne se perd auprès de lui, rien n'est oublié, rien n'est ignoré. فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحْفَظُ عَلَى الْخَلْقِ عَمَالَهُمْ وَيُحْسِ عَلَيْهِمْ أَقْوَالَهُمْ وَيَعْلَمُ نِيَّاتِهِمْ وَمَا تَكُونُ وَمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala préserve pour ses serviteurs leurs actions. Et tout est consigné, tout est enregistré. Il dénombre et embrasse de sa science parfaitement l'ensemble des paroles de ses serviteurs. Il connaît leurs intentions et ce qui se trouve dans leur poitrine. ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. Et rien ne peut s'échapper d'Allah, rien ne peut se perdre, rien ne peut lui être caché. Et tout cela a été consigné dans les tablettes préservées. Et ce dans quoi on a écrit tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Et dans Sourate Al-Qamar, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ. Et toute chose faite est dans الزُّبُر. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé, ou plutôt Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah a créé la plume, il lui a dit écris. Elle a dit que dois-je écrire? Il lui a dit écris tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Écris tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Et tout fait, petit et grand, est consigné. Wa wakkala subhanahu malaikatan kiraman katibin yahfaduna ala al-ibadi amalahum. Qala ta'ala inna kullu nafsin lamma alayha hafidh. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de nobles anges, scribes, afin qu'ils enregistrent tout ce que font les serviteurs. Dans Sourate At-Tariq, il n'est pas d'âme qui n'ait un gardien sur elle. Dans l'Infitar, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. C'est-à-dire des anges. Chaque personne a deux anges. Un à sa droite, un à sa gauche. Note les bonnes et les mauvaises œuvres. Et on verra ensuite qu'il y en a un devant, un derrière. Incha'Allah. Wa hadha al-ma'na min hifzi subhanahu yaqtadi ihatatu ilmihi bi ahwali al-ibadi kulliha. Zahiriha wa batiniha. وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها. ظاهرها وباطنها وسرها وعلنها. وكاتبها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. وهذا المعنى من حفظه. Ces sens-là font partie du fait qu'Allah Azza wa Jalla a tout enregistré. C'est-à-dire le fait d'avoir chargé des anges de tout inscrire, tout ce que nous faisons comme bien et comme mal. Et ça comprend le fait qu'Allah Azza wa Jalla a englobé de sa science l'ensemble des situations de ses serviteurs. Que ce soit à part ou en caché, que ce soit en secret ou en public. Et que tout cela a été inscrit dans les tablettes préservées et dans les feuillets qui se trouvent dans les mains des anges. Ça comprend également la science d'Allah Azza wa Jal de toute chose, du décret, du destin, de tout ce qui va advenir. De tout ce qu'il y aura en rétribution, en récompense, en punition, en bien, en mal. Et tout ce qu'il donnera, que ce soit par ses faveurs ou sa justice. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hafidh et le hafidh. Ainsi, tout ce que nous faisons est consigné auprès de lui. Et selon ça, il y aura la rétribution. Ça, c'est le premier sens. Ça revient au fait qu'Allah Azza wa Jal sache tout et que tout est consigné, enregistré. Le deuxième sens de l'attribut d'Allah al-Hifz, annahu ta'ala al-hafidh, c'est le sens de, dans le sens du protecteur. Dans le sens du protecteur. Annahu ta'ala al-hafidh lil-makhluqat min sama'in wa ardin wa ma fihima li tabqa muddat baqa'iha. فلا تزول ولا تذهر ولا تميت ولا يسقط شيء على شيء ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك، كما قال تعالى ولا يدو حفظهما ويحفظ سبحانه السماء أن تقع على الأرض، قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وتكفل سبحانه بحفظ كتابه العزيز، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، Le deuxième sens est qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'ensemble de ses créatures, comme ciel, comme terre, et ce qui se trouve dedans, afin qu'elle puisse rester le temps qui lui a été apparti. Elle ne disparaît pas, elle ne tombe pas, rien ne tombe sur une autre chose. Rien n'est trop lourd pour Allah, rien ne saurait le rendre incapable. Et dans Sourate al-Baqarah, la garde de cela ne lui coûte aucune peine. Allah subhanahu wa ta'ala préserve le ciel afin qu'il ne s'écroule pas sur la terre. Dans Sourate al-Hajj, il retient le ciel de tomber sur la terre. Dans Sourate al-Anbiya, et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. Dans Sourate al-Fatir, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre que lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Tous ces textes font référence à l'attribut d'Allah El-Hifz, que c'est le protecteur. Ici, il protège toutes ses créatures. Il protège le ciel afin qu'il ne tombe pas sur la terre. Il protège la terre, il protège les habitants afin que le ciel ne s'écroule pas sur eux, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal protège, il est le garant de la protection de son noble livre, le Coran, le Karim. Il nous dit dans Sourate al-Hijr que c'est lui qui a révélé, qui l'a révélé. C'est lui qui a révélé le rappel, c'est-à-dire le Coran. et c'est lui qui le protégera. Il le protège de quoi? De tahrif. Afin qu'on ne puisse le dénaturer, l'altérer, qu'on ne puisse le changer, changer une lettre. Malgré tout le temps qu'il y a eu entre la révélation du Coran et notre époque, le Coran n'a pas changé. Et ces versets sont restés préservés, car c'est Allah qui les a révélés sur son prophète, et c'est lui qui est le garant pour le préserver. ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحفيظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لهم وحفظه لهم نوعان عام وخاص. Parmi l'essence des noms d'Allah Azza wa Jal, de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il préserve ses serviteurs de tout ce qu'il déteste. Et la préservation d'Allah de ses serviteurs est de deux sortes. Une qui est générale, qui touche tout le monde, et une qui est particulière, qui touche que les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses serviteurs de ce qu'il déteste, et cette préservation est de deux sortes. Il y a la préservation, la protection générale. فَالْعَمْ حِبْضُهُ لَهُمْ بِتَيْسِيرِهِ لَهُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالْهَوَى وَهِدَايَتُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَإِلَى مَا قَدَّرَ لَهُمْ وَقَضَى لَهُمْ مِنْ ضَرُورَاتِ وَحَاجَاتٍ وَهِيَ الْهِدَايَةُ الْعَامَّةِ التي قال عنها سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها وقد وكل بني آدم ملائكة يحفظون وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو يسدد أو بسدد أن يضره لولا حفظ الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala protège ses serviteurs. La première, le premier point, c'est une protection générale. Il les protège, il les préserve en leur facilitant leur nourriture, leur boisson, l'air pour respirer. Il les guide ce vers quoi il y a leur utilité. Et il décrète pour eux ce dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'on appelle la guidée générale. C'est ce qu'on appelle la guidée générale. Dans Sourate Taha, notre Seigneur est celui qui a donné chaque chose, ou à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Donc ça, c'est une guidée générale pour tout le monde. Le fait de se diriger, ce vers quoi il y a Mada, notre utilité. Tout comme on a dirigé le bébé à prendre le sein de la mère. Il les préserve aussi en repoussant d'eux les choses nuisibles, les mauvaises choses. Et cette protection, elle est générale. Allah l'accorde aux pieux comme à l'égaré, aux bons comme aux mauvais. Plus encore, il l'accorde même aux animaux et autres créatures. Allah Azza wa Jalla a même chargé les anges pour... Il a même chargé des anges pour préserver les humains, les fils de Adam, comme on le trouve dans Sourate Ar-Ra'd. Il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc on voit que la seule personne a quatre anges au minimum avec elle. Et ces anges-là, ces deux anges-là, sont autres. Les anges qui sont devant lui et derrière lui sont autres que les anges qui sont à sa droite et à sa gauche, qui préservent ses œuvres. Ceux-là, il le préserve de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire qu'il repousse de lui le mal, et une fois que le décret vient, il laisse se produire le décret sur ce serviteur-là. Ensuite, il y a une préservation, une protection qui est particulière. حِفْظُوا لِأَوْلِيَائِهِ إِضَافَةً إِلَى مَا اقْتَقَدَّمْ بِحِفْظِ إِيمَانِهِمْ مِنَ الشُّبَهِ الْمُضِلَّةِ وَالْفِتَنِ الْجَارِفَةِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُهْلِكَةِ يُعَافِيهِمْ مِنْهَا وَيَحْفَظُهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَانْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ كَيْدَ الْأَعْدَاءِ وَمَكْرِهِمْ كما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عن الله عز وجل donne aussi une protection particulière à ses bien-aimés, à ses serviteurs pieux. En plus de tout ce qu'on a mentionné dans la protection générale, il préserve leur foi de toute ambiguïté et garante. Il les préserve des troubles, des passions destructrices. Il les protège, il les préserve de leurs ennemis, parmi les djinns, parmi les humains, il les secourt devant eux. Il leur donne le secours et la victoire devant les ruses de leurs ennemis. Comme il nous dit dans Sourate Al-Hajj, certes Allah défend ceux qui ont la foi. Et plus la personne a la foi, plus elle reçoit cette protection particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصية لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك رواه أحمد والترمذي. C'est pour cela que le prophète sallam a dit dans sa recommandation faite à Abdullah ibn Abbas, préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire préserve les limites d'Allah, ses ordres et ses interdits, il te préservera, il te protégera dans ta personne, dans ta religion, dans ton argent, dans tes enfants, dans toute chose que tu feras, Allah te préservera. Et sachez qu'Allah fait les éloges de ses serviteurs qui préservent les limites d'Allah. Et il nous dit وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, ceux qui préservent les limites d'Allah. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ مَنْ خَشِّ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا حِفْظُ التَّوْحِيدِ مِنْ نَوَاقِذِهِ وَنَوَاقِسِهِ إِذْ هُوَ أَعْظَمُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَ وَيُصَانَ وحفظ شعائر الإسلام ولا سيما الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وحفظ السمع والبصر والفؤاد إن السمع البصر الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحفظ الفروج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى غير ذلك مما مر الله عباده بحفظه وجعل ثوابهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر أو ضر وبلاء. Puis l'auteur nous a mentionné plusieurs choses à travers lesquelles on a yani qu'on doit préserver, qu'on se doit de préserver. Dans Surat Qaf, voici ce qui vous a été promis à tout homme plein de repentir et qui préserve, c'est-à-dire les prescriptions divines. Et la chose la plus importante à préserver, cette tawhid, c'est l'unité d'Allah. On doit la préserver du shirk, ce qu'il annule, ou du shirk qu'il diminue. At-tawhid, c'est la chose la plus importante à préserver, c'est la base de l'islam. On doit également préserver la salat, car Allah Azza wa Jalla nous dit de préserver la prière et la prière médiane. On doit également préserver la vue, lui et le cœur, car Allah nous dit que lui, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. On doit préserver les parties intimes, car Allah a fait les éloges de ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf de leurs épouses, jusqu'à la fin du verset. Et d'autres choses encore que nous devons de préserver. Plus la personne préserve ce qu'Allah lui a ordonné de préserver, et protège cela, plus Allah la protège et la préserve. Et personne ne peut préserver le serviteur dans sa religion et dans sa personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et Allah est le meilleur protecteur et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ainsi, nous devons de nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un dua en mentionnant ces noms d'Allah. Al-Hafiz, Al-Hafiz, afin qu'il nous préserve. Et dans le hadith, اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.